À mes actes manqués, des syllabes que je n'ai pas su dire, parce que j'ai cru qu'il fallait rester subtil. Pour des gestes que je n'ai point fait, trop de points faibles en amour, j'ai zéro pointé. Je suis jeune, donc plus tard, je verrai plus clair. Frère, cherche la lumière à défaut d'un ulcère. Je n'ai pas dit merci, trop d'ingratitude. À mon père, à ma mère, j'en ai pris l'habitude. Nonchalant, hélas, comme à l'école. Ça fait que j'ai raté mes études, j'aimerais changer les rôles. Changer ma vie, ça je ne sais pas. Juste réparer des choses pendant que le monde m'épargne. Dire je t'aime à mes proches, à mon grand-père Marcel. Que le Seigneur le garde jusqu'à la fin de la guerre. Je n'ai pas été souvent présent pour certains de mes potes. Je reconnais mes erreurs, j'ai aidé trop de fiottes. Délaisser le tiécard pour quelques tagasses. Oui j'ai fait le tarbat, juste pour un taille basse. On ne prouve que par ses actes, j'ai compris la notice. Mais pour le pratiquer c'est dur quand t'es novice. J'ai mal agi, oui je suis peu agile. Car ma fierté hélas, et mon talon d'Achille. À mes actes manqués et mon manque de tact. Les remords me taclent, la mort mange à ma table. Loin d'être parfait, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, tant mieux tu sais. Désormais, je regarde mon reflet, ouais, droit dans les yeux. Souvent vide comme mes bouteilles, je vis comme je peux. Ma mère me dit arrête, tu me fous la honte comme les bleus. Je compte sur les miens et là, je ne parle plus d'amitié. Car depuis que je vais bien, j'en ai perdu la moitié. On dit MC à texte, voire poète des temps modernes. Ouais, c'est ça, même si j'écris et tout ça sans me perdre. J'ai aucune honte à dire que ma femme m'a sorti de l'alcool. Depuis je me vois attendre ma fille à la sortie de l'école. Pas le mental peut-être, pas lamentable non. Mais j'avoue écrire des textes car peur à me calme. Bon, mais là j'arrête car à la fin je me sens lessivé. D'ailleurs, elle approche loin, j'entends les sifflets. Un passé en fumée car le présent fait un tabac. Ma vie a changé depuis qu'on m'appelle papa. J'ai fait le con, bref, des années à la poubelle. Mais je sais que les prochaines seront les plus belles. Aucun regret pour le rap, je lui ai tourné le dos. Je lui en veux un peu, c'est vrai, car je lui ai tourné dos. Merci à tous, et au taf de mon staff. Merci à Nabil, Connex et mon staff. Marcus, sans toi, je suis rien, et ça s'arrête. Tu resteras mon doux, même si un jour futur proche, ça s'arrête. Si je te fais parler d'amour, tu vas probablement me dire un sonnet. Tu n'as pas connu de femme devant qui tu t'es senti vulnérable. Une femme qui t'est étalée d'un simple regard. Comme si Dieu avait envoyé un ange sur terre pour toi. Pour t'arracher aux profondeurs de l'enfer. Mais tu ne sais pas ce que c'est que d'être son ange à elle. Et de savoir que l'amour que tu as pour elle est éternel. Et survivra à tout. Même au cancer. Et aux nuits passées assis dans une chambre d'hôpital pendant des mois en lui tenant la main, parce que les médecins ont lu dans tes yeux que tu n'as pas l'intention de te plier aux heures de visite. Tu ignores ce que c'est que de perdre quelqu'un, parce qu'on ne connaît ça que quand on sait aimer plus qu'on ne s'aime soi-même. Je doute que tu aies jamais osé aimer à ce point.